Attends, ça va trop vite. 75. Alors, les accords. Les accords. Il y en a 4. 4 dans 2. Il est là. Donc c'est la mineur, fa, fa, ouais. Mi mineur et la mineur. Voilà. C'est ça. Alors attention à la fin. C'est bien deux fois la mineur. Pas tourner, il faut tourner sur les 4 et non pas sur les 3. Devant une plante là-dessus. Ah, là, je vais couper le micro parce que sinon on entendait tout du clavier.